L'arpège de sol. Phrase sur l'arpège. L'arpège avec une appoggiature. Phrase ciavolo. Une appoggiature au-dessus. Toujours sur sol. Phrase sans son Schmitt. Phrase de Django.